quand la nuit venait enfin, le brouillard noir cachait sans fin ton visage de tendresse bleue et les cieux profonds de tes yeux. Tes yeux. Alors le matin s'éveillait et il fallait déjà se préparer. La nuit petit à petit s'enlevait et le soleil commençait à chauffer. Et il me disait, je voulais juste te dire que je t'aimais. Le soleil me disait, je voulais juste te dire que je t'aimais. La journée avait commencé et je l'avais déjà remarqué. Et lorsque son visage se tournait, je voyais dans ses yeux le moi-même triste timidité parallèle. Peur de l'onde suprême, séparée par l'état du système, j'ai finalement regardé le ciel. Et il me disait, je voulais juste te dire que je t'aimais. Le soleil me disait, je voulais juste te dire que je t'aimais. La nature m'avait guidé petite fée. Et lorsque sa lumière brillait, tous les feux de mon âme s'envolaient, s'envolaient. Le monde était paralysé. J'étais frappé de cécité. Mais quand elle m'a regardé, la foule a éclaté. Et je lui je voulais juste te dire que je t'aimais. Et je lui ai dit, je voulais juste te dire que je t'aimais. Je voulais juste te dire que je t'aimais. Je voulais juste te dire que je t'aime. Je voulais juste te dire.